Chapitre 169. L'aide aux compagnons de route. De nombreuses traditions prophétiques que nous avons déjà citées entrent dans ce chapitre, comme le hadith « Allah soutient son serviteur tant que celui-ci soutient son frère musulman » numéro 245, ou le hadith « Chaque fois que tu rends service à quelqu'un, tu fais une aumône » numéro 134. 969. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte: alors que nous étions en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam, un homme vint sur sa monture et commença à regarder à droite et à gauche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: que celui qui a plus d'une monture mette ce dont il ne se sert pas à la disposition de celui qui n'en a pas, et que celui qui a un excédent de provision en donne à celui qui n'a rien. Et il cita d'autres types de biens au point que nous pensâmes qu'aucun d'entre nous n'avait droit à un quelconque excédent. Muslim. 970. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, déclara un jour avant de partir en expédition: ô Muhajiroun et Ansar, il y a parmi vos frères des gens qui n'ont ni bien ni famille. Que chacun d'entre vous prenne donc avec lui deux ou trois hommes. Jabir ajouta: chacun d'entre nous utilisait sa monture à tour de rôle avec deux ou trois hommes, ce que je fis moi-même avec mon chameau. Abu Daoud. 971. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, restait à l'arrière de la caravane au cours des voyages, aidant le faible à avancer, le prenant avec lui sur sa monture et invoquant Allah en sa faveur. Abu Daoud. 972.